Chapitre 5e, Vicomtesse Desmarets. Le premier mouvement de Pierrepont avait été d'aller reporter toute chaude à Madame de Montauron la conversation qu'il venait de surprendre entre celle qu'elle appelait la maîtresse perle de son écrin et sa digne institutrice. Mais après y avoir un peu pensé, il préféra différer cette communication et la réserver comme un argument dilatoire pour le moment où sa tante le presserait de nouveau de prendre une décision. Tourmenté d'hésitation et de perplexité, dont le lecteur connaîtra bientôt la cause réelle, s'il ne l'a pas déjà devinée, le jeune marquis, dans son irrésolution, désirait avant tout gagner du temps. Il continua donc, ce jour-là et les jours suivants, de se mêler avec sa grâce courtoise au passe-temps de la colonie des Genêts, laissant croire à sa tante qu'il poursuivait, à travers les jeux et les ris, de profondes études de caractère dont, en réalité, il s'occupait fort peu. Cependant, presque chaque jour, après sa sieste de midi, Madame de Montauron posait devant Jacques Fabrice dans son grand salon blanc avec son griffon sur les genoux. Le plus souvent, Béatrice assistait seule à ces séances, mais, s'autorisant de sa compétence en matière artistique, le marquis de Pierrepont s'introduisait quelquefois dans le sanctuaire, où il semblait vivre avec un vif intérêt le travail du peintre. Fabrice, dans ces occasions, était frappé et touché du respect attentif qu'il témoignait à la lectrice de sa tante. Il était le seul, parmi les familiers du château, qui la traita en égal, tous les autres, les femmes surtout, se modelant sur la baronne pour prendre avec la pauvre Béatrice des airs de froide supériorité ou de protection dédaigneuse. Fabrice remarquait que la partie la plus pénible des fonctions de la lectrice lui était épargnée tant que Pierre était présent. C'était lui qui se levait pour donner un tabouret, placer un coussin, ouvrir une fenêtre, la refermer, sonner un domestique, faire prendre l'air au griffon, pour satisfaire enfin à tous les caprices d'une vieille femme maladive, agitée et d'un impérieux égoïsme. Mais la baronne paraissait préférer de beaucoup les services de Mademoiselle de Sardone à ceux de son neveu. « Mon ami, lui disait-elle, c'est très bien, je te suis obligée. » Et Mademoiselle de Sardone aussi, je suppose. Mais je te dirai franchement que la main d'un homme est un peu lourde pour toutes ces petites choses-là. Il n'y a que Béatrice, pour me mettre mon coussin dans le dos comme je l'entends et sans déranger ma pose. N'est-ce pas, monsieur Fabrice? Et puis, mon cher enfant, je ne veux pas t'absorber. Tu es un peu maître de maison ici. Et tu te dois à mes hôtes, qui sont aussi les tiens. Va donc les retrouver, va, mon ami, tu me feras plaisir. De toutes les amies d'enfance de Béatrice, une seule, plus âgée qu'elle de 2 ou 3 ans, lui était restée obstinément et tendrement fidèle. C'était cette vicomtesse Desmarets qui était la cousine de Mademoiselle de la Treillade et dont cette jolie peste avait associé perfidement le nom à celui du marquis de Pierrepont dans sa chronique scandaleuse. Madame Desmarets habitait pendant la saison le petit château des Loges qui était situé à 2 kilomètres des Genêts. À la campagne comme à Paris, elle passait rarement une semaine sans faire une visite à Béatrice, bravant, pour remplir ce devoir d'amitié, l'accueil assez froid de Madame de Montauron, qui redoutait vaguement, d'après certaines apparences, que cette aimable personne ne fût un obstacle au mariage si désiré de son neveu. Pierrepont, qui a tort certainement, n'avait pas une très haute opinion de la vertu des femmes, vantait volontiers celle de Madame Desmarets, et la baronne en concluait, avec sa logique mondaine, qu'il était son amant. Quoi qu'il en soit, Madame Desmarets était pour Mademoiselle de Sardone, dans son profond abandon, une consolatrice et une confidente d'un prix infini. Devant elle seule, Béatrice déposait quelquefois son masque impassible et laissait couler ses larmes, et cependant, même avec elle, son cœur gardait son secret. Un jour, la vicomtesse, l'ayant trouvée tout en pleurs dans sa chambre à la suite d'une de ces scènes mortifiantes que l'humeur de Madame de Montauron ne lui ménageait pas, elle la pressa instamment de quitter la maison de la baronne et d'accepter un asile chez elle. Béatrice hésita, puis, après un peu de réflexion, « Merci, dit-elle en l'embrassant, mais excuse-moi, je suis encore trop fière, malgré tout, pour me faire nourrir et loger par pure charité. Ici, du moins, je suis bonne à quelque chose, je remplis des devoirs, je rends quelques services, je gagne mon pain. Chez toi, je serai tout à fait une parasite. » Comme son amie essayait affectueusement de vaincre ses scrupules, Et puis, reprit Béatrice avec un triste sourire, ton mari me ferait la cour. » Madame Desmarets, qui connaissait bien son mari et qui le savait prodigieusement capable de violer les saintes lois de l'hospitalité, secoua la tête douloureusement et n'insista pas. Le vicomte Desmarets, comme beaucoup de gens en ce monde, n'aurait pas mieux demandé que d'être un parfait honnête homme, sobre, régulier dans ses mœurs et ennemi de la dame de pique. S'il aimait le jeu, les femmes et même le vin jusqu'à la débauche et à la dégradation, c'est que c'était plus fort que lui. Les psychologues le regardaient probablement comme une victime du déterminisme, mais pour le vulgaire, c'était simplement un drôle. Il était d'un extérieur agréable et ne manquait pas d'esprit. Sa femme l'avait beaucoup aimé, mais il l'avait tellement méconnu, découragé et écœuré, qu'elle ne gardait plus envers lui d'autres sentiments que ceux de l'indifférence et du mépris. Elle en avait pourtant une sorte de pitié comme d'un malade. Elle se prêtait même à la singulière manie dont il s'était avisé et qui consistait à lui confier, quelquefois en pleurant, ses pertes au jeu, ses amours, sa détresse morale, et comment il avait besoin des femmes pour se consoler des trahisons du jeu, et besoin de vin pour se consoler des trahisons des femmes. On dira qu'elle avait bien de la bonté de l'écouter, mais il y a des femmes d'une bonté céleste. Madame Desmarets avait eu de cet indigne mari deux enfants, deux fils dont elle s'occupait beaucoup et sur lesquels elle paraissait avoir reporté toutes ses affections. C'était une des très rares femmes que le marquis de Pierrepont eut sérieusement aimée. Il l'avait aimée pour le charme pur et en quelque sorte lumineux de sa tête blonde, pour la grâce de sa démarche, pour la clarté tendre de ses yeux, qui, comme ceux d'Henriette d'Angleterre, semblaient toujours demander le cœur. Il l'avait aimée encore pour son honnêteté et son attrait du fruit défendu, un peu aussi, il faut l'espérer, par un élan de sympathie vers une femme malheureuse, car il connaissait mieux que personne les tristesses de son ménage. Il était du même cercle que M. Desmarets, et il avait vu plus d'une fois sa femme, au premier temps de leur mariage, venir l'y chercher le matin, les yeux rougis par les larmes et l'insomnie. Bref, il avait entrepris de la consoler. Il n'y avait pas réussi. Fort étonné et passablement mortifié d'abord de sa mésaventure, il en avait pourtant pris son parti en galant homme et avait accepté franchement l'espèce d'amitié réservée que cette charmante femme lui avait franchement offerte. Depuis ce moment, ils avaient continué de se voir assez fréquemment sur le pied d'une camaraderie confiante, enjouée et un peu ironique. Madame Desmarets, qui s'intéressait aux choses d'art, avait une admiration enthousiaste pour le talent de Jacques Fabrice. Elle possédait quelques aquarelles datant de la première jeunesse du peintre et dont elle était justement fière. L'arrivée de Fabrice au château des Genêts avait éveillé chez elle une vive curiosité. L'homme lui plut par son air de modestie et de gravité mélancolique. Toujours préoccupé de la situation si pénible et si précaire de son amie Béatrice, elle se rappela qu'avant ces désastres de famille, la jeune fille avait montré un goût assez sérieux pour la peinture à l'aquarelle. Elle se dit que Fabrice pourrait lui donner quelques leçons pendant son séjour au Genêts, encourager ses dispositions et faire éclore les germes d'un talent qui assurerait peut-être un jour à l'orpheline une existence indépendante. Béatrice, dans son amer découragement de toute chose, accueillit cependant cette idée avec un certain intérêt. « Mais, dit-elle, « comment lui demander cela à ce monsieur? Je n'oserais jamais. » « Tu pourrais, dit Madame Desmarets, prier Monsieur de Pierrepont de s'en charger. »« Non, dit Béatrice, Monsieur de Pierrepont pourrait voir là quelque chose de blessant pour sa tante. »« Je ne crois pas, reprit Madame Desmarets, qu'il ait l'épiderme si sensible à l'endroit de sa tante. D'ailleurs, nous ne sommes pas forcés de lui développer tout notre plan. Il est naturel que tu désires perfectionner tes petits talents quand tu en trouves l'occasion. Veux-tu que je lui en parle, moi, au marquis? Tu m'obligeras. » Ce jour-là, la bande des invités était allée visiter à quelques lieux des Genêts la station thermale de B. Pierrepont, sous prétexte de lettres d'affaires, était resté au château. Comme Madame Desmarets sortait du parc pour regagner les loges à travers les bois voisins, elle aperçut le marquis au bord d'une pièce d'eau qu'alimentait la rivière du parc. Il s'occupait de détacher la chaîne d'un canot amarré à la rive. « Comme ça se trouve, dit-elle, en agitant son ombrelle pour lui faire signe d'approcher. « J'ai à vous parler. » Il accourut. « Entendre, c'est obéir, » dit-il gaiement. « Voyons. » « Eh bien voilà. Vous savez ou vous ne savez pas que Béatrice peignait très joliment l'aquarelle avant ses malheurs. Elle voudrait s'y remettre et prendre quelques leçons de M. Fabrice pendant son séjour ici. Ça se peut-il avec votre protection ?» Pierrepont réfléchit pendant quelques secondes. « Avec ma protection, non, » répondit-il. « Avec la vôtre, oui, sans aucun doute. » « Je suis, bien entendu, tout à votre disposition et à celle de Mademoiselle de Sardone. Mais Fabrice étant mon invité et mon hôte en ce moment, vous penserez certainement comme moi qu'il y aurait un peu d'indiscrétion de ma part à lui demander un service qui aurait l'air à demi imposé. Tandis que, si vous voulez bien lui présenter vous-même votre petite requête pour votre ami, ça prend tout de suite une autre tournure. Tenez, justement, j'embarquais pour aller le retrouver. » Il prend un croquis au pied de la cascade là-bas. Voulez-vous venir avec moi ? Embarque ? Dit Madame Desmarets. Embarque, pourquoi pas ? C'est à 5 minutes. Si c'est le tête-à-tête qui vous effraie, il ne sera pas long. Nous en avons vu bien d'autres, mon Dieu. Ça vous conduit à 2 pas de chez vous, d'ailleurs. Voyons, chère madame, confiance, confiance ! Allons, dit la jeune femme, et s'appuyant sur le bras de Pierrepont, elle sauta lestement dans la barque. Pierre prit les rames, mit le canot en mouvement, le fit entrer dans la rivière, et n'eut plus guère que la peine de le diriger en lui laissant suivre le courant qui l'entraînait doucement. Elle était charmante, cette petite rivière, à demi cachée sous le feuillage des saules et des frênes qui bordaient ses 2 rives. On avait pratiqué seulement çà et là quelques éclaircies pour la commodité des pêcheurs. Du reste, elle coulait silencieusement, sauf un léger clapotement de remous par intervalle, sous des arcades de verdure presque continues, à travers lesquelles le soleil jetait quelques notes dorées et tremblantes. Après un premier temps de recueillement, Pierrepont interpella brusquement la jeune femme de ce ton moitié sérieux, moitié ironique, qui était d'usage entre eux. « Madame Desmarets, mon cher monsieur, vous savez qu'on veut me marier, mais c'est assez clair. » « Eh bien, décidément, je me dérobe. Je suis absolument découragé. Parce que plus je vais, plus je me confirme dans la conviction motivée qu'il n'y a plus d'honnête fille, ni par conséquent d'honnête femme. Vous dites ?»« Je dis qu'il n'y a plus d'honnête femme, du moins dans notre monde. C'est une espèce disparue. »« Pardon ?» reprit Madame Desmarets. « C'est à moi que vous osez dire cela. »« Vous savez bien que je fais exception pour vous. » Vous, vous êtes née vertueuse, c'est votre conformation, mais elle est rare. Ah, très bien, s'écria Madame Desmarets. Voilà comment vous nous jugez. Il n'y a pas d'honnête femme. Et s'il s'en trouve une par hasard dont il vous soit impossible de mettre en doute l'honnêteté, c'est qu'elle est née comme cela. C'est qu'il n'y a eu pour elle ni tentation, ni lutte, ni mérite, ni rien. Ah, mon Dieu, que cela est dur à entendre! Et que ce sont là des jugements légers, injustes, cruels. « Chère madame, » murmura Pierrepont, un peu surpris de l'accent pénétré de la jeune femme. Elle poursuivit d'une voix contenue mais vibrante. « Je n'ai pas à trahir les secrets douloureux de ma vie. Tout le monde les connaît, et vous mieux que tout le monde. Eh bien, vous savez si jamais une femme eut pour se mal conduire de meilleures excuses que moi. Mais non, j'ai des enfants, j'ai mes 2 fils. » Et j'ai voulu qu'on dise un jour, si le père était un triste sujet, un pauvre fou, la mère était une honnête, une digne créature. Et cela m'a été facile, vous le croyez, n'est-ce pas? Parce que j'étais né comme cela. Né pour n'aimer personne, incapable de passion, de faiblesse. Ah, mon Dieu, vous croyez ça, vous? Madame, dit Pierrepont avec un peu d'émotion et beaucoup d'embarras. Je serais trop fier si je pouvais penser un instant, mais je vous comprends mal sans doute. Non, reprit-elle avec la même vivacité presque emportée. Vous me comprenez très bien. C'est de vous qu'il s'agit. Vous m'avez fait la cour. Je ne sais pas si vous m'aimiez, mais moi je vous aimais. Et je vous aime encore. Et je vous le dis hardiment. Parce qu'il n'en sera rien de plus. Parce que je veux rester honnête, pour mes enfants, et aussi pour Dieu. Voilà. Jamais je ne serai votre maîtresse. Mais jamais vous n'aurez eu une meilleure amie que moi. vous pouvez en être sûr. » Elle détourne la tête pour essuyer une larme du bout de son gant. « Donnez-moi votre main, » dit Pierrepont. Elle lui tendit sa main, et sans dire un mot de plus, il y posa doucement ses lèvres. Il y eut alors entre eux un assez long silence, troublé à peine par le léger battement des rames dans l'eau. Pierrepont le rompit le premier, essayant de reprendre leur ton d'enjouement habituel. « En réalité, vous êtes un peu cause des ennuis que j'éprouve à propos de ce malheureux mariage. Si je ne vous avais pas connu, je serais moins difficile. » Elle hocha la tête gracieusement sans répondre. « J'aimerais, poursuivit-il d'un ton sérieux, apprendre une femme de votre main. C'est beaucoup trop délicat, dit-elle. Je n'accepterai jamais cette responsabilité. Je n'oserai jamais désigner personne à votre choix. Quand même les lèvres me brûleraient. Que voulez-vous dire ? Rien. Vous pensiez à quelqu'un en disant cela ? À personne. Vous n'êtes pas sincère en ce moment. Non, mais parlons d'autre chose, je vous prie. Est-il bon enfant, votre Fabrice ? Va-t-il être aimable pour moi, croyez-vous ? J'en jurerais. Mais il faut que nous descendions ici, sans quoi le courant nous entraînerait par-dessus l'écluse. La petite rivière se jetait en effet dans l'Orne, à peu de distance, en franchissant un barrage. La chute d'eau, dont un fond de verdure sombre rehaussait les blancheurs, se divisait en deux courants dont le principal faisait tourner la roue d'un moulin installé sur la rive dans une sorte de presqu'île. C'était un motif de paysage que Fabrice achevait d'esquisser quand Madame Desmarets et Pierrepont le rejoignirent. Après quelques compliments de circonstance, la jeune femme, toute rougissante, elle rougissait pour un rien, lui adressa sa prière en faveur de Béatrice. Il l'accueillit avec simplicité et bonne grâce. Il serait très heureux de donner des conseils à Mademoiselle de Sardone, quoiqu'il eût un peu abandonné l'aquarelle. Mademoiselle de Sardone avait-elle déjà peint d'après nature ou seulement d'après le modèle ? Madame Desmarets, rougissant encore, ne crut pas pouvoir affirmer qu'elle eût peint d'après nature. « Et quelles heures, Mademoiselle de Sardone, préférerait-elle pour ses leçons ?» Ici, Madame Desmarets interrogea Pierrepont de l'œil. « Je crois qu'elle n'a dans la journée qu'une heure de libre. C'est celle où ma tante fait sa sieste après le déjeuner de midi. Parfaitement, nous choisirons celle-là. » En traversant la rivière près du moulin sur un pont rustique, on se trouvait sur les domaines de Madame Desmarets. Les deux hommes l'accompagnèrent jusqu'à sa porte et revinrent ensuite prendre la barque pour regagner le château. Chemin faisant, ils s'entretinrent longuement de Madame Desmarets, brodant à l'envi des variations sur ce thème. Quelle charmante femme ! Ils ne parlèrent ni l'un ni l'autre de Béatrice.